un capet qu'un danse. Les ouga allongés, quand on les moins. Jusqu'à demain. Moi, je l'ai senti pour en santé. Nous, c'est à nous qu'elle a demain matin. Charlie Gaumet du beau, il t'adore quand tu me dis, on est cette toile plus beau. Je préfère celui qui me fait grimper au rideau. À n'importe quelle heure et dans n'importe quel studio. Tout le monde sait que tu connais toutes les œuvres, donc on t'aime trop. On sait tous qu'avec toi on passera des moments très chauds. À chaque fois que tu te sens seul, n'hésite pas qu'on prend son numéro. Toi-même tu sais qu'une fois de plus ce sera très chaud. Homme de zoo, homme de sou, pousse malhonnête ce coup-ci. Si j'ai pas elle, j'ai sa cousine. Elle est cool, si coup ça la grossit, mais je mettrai un coup. Angela, moi je défends, tu vois. Pendant papa ou pas là. Angela, Angela, moi je défends, tu vois. Pendant papa ou pas là. Angela. Excité, qu'est-ce qu'on m'a capé de cadence? Le ouga allongé, quand